J'ai vu le jour à l'ombre des barreaux. Fille d'assassin, je suis née condamnée. Les fées m'avaient tourné le dos. Là d'où je viens, je n'ai rien à garder. J'ai vu le jour incrusté sur ma peau. Je ne suis plus qu'un nom à effacer. Alors d'accord qu'une danse emporte ma vie et je suivrai la danse et qu'importe ce qu'ils en pensent. Alors d'accord qu'une danse m'attache à lui et je suivrai ses pas malgré ce que nous. Je prends l'automne contre mon printemps. La différence nous permet d'exister. J'oublie l'amour au nom d'un sentiment, puisqu'il faut bien se résoudre à rêver. Alors d'accord qu'une danse emporte ma vie et je suivrai la danse et qu'importe ce qu'ils en pensent. Alors d'accord qu'une danse m'attache à lui et je suivrai ses pas malgré ce que l'on dira. Je serai à lui, alors je serai.